Qu'est-ce qui te force à croire? Qu'est-ce qui te pousse plus loin? Une idée vague, une lumière brûle en toi, et jamais ne s'éteint. À tout prix, tu te sens un peu mal, et tes mains tremblent encore pour cette chose grise et froide qui te sourit. Faut t'en aller d'ici, libéré de tout et plus de bon pouvoir être qui tu voulais. Ne jamais revenir, imaginer ce que sera ta vie. Qu'est-ce qui te pousse plus loin? Une idée vague, une lumière brûle en toi, et jamais ne s'éteint.